jugement sur ses commentaires, ses autres ouvrages. César a laissé aussi des mémoires sur ses campagnes dans les Gaules et sur la guerre civile contre Pompée. Pour l'histoire des guerres d'Alexandrie, d'Afrique et d'Espagne, on ne sait pas quel en est l'auteur. Les uns nomment Oppius et les autres Hirtius, qui aurait même complété le dernier livre de la guerre des Gaules, laissé inachevé par César. Voici le jugement que Cicéron a porté des commentaires de César dans le traité à Brutus. Ses commentaires sont un livre excellent. Le style en est simple, sans détour et plein de grâce, dépouillé de toute pompe de langage. C'est une beauté sans parure. En voulant fournir aux futurs historiens des matériaux tout prêts, il a peut-être fait plaisir à des sots, qui ne manqueront pas de charger d'ornements frivoles ses grâces naturelles. Mais il a ôté aux gens de goût jusqu'à l'envie de traiter le même sujet. Hirtius dit aussi, en parlant du même ouvrage, « La supériorité en est si généralement reconnue que l'auteur semble plutôt avoir ravi que donner aux historiens la faculté d'écrire après lui. Mais nous avons plus de motifs que personne d'admirer ce livre. Les autres savent avec quel talent et quelle pureté il est écrit. Nous savons, de plus, avec quelle vitesse et quelle facilité il le fut. » Asinius Pollion prétend que ses commentaires ne sont pas toujours exacts, ni fidèles. César ayant, pour les actions des autres, ajouté une foi trop entière à leurs écrits, et pour les siennes même, ayant altéré, sciemment ou faute de mémoire, la vérité des faits. Aussi Pollion est-il persuadé qu'il devait les réécrire et les corriger. César a laissé encore un traité en deux livres sur l'analogie, un autre en autant de livres appelé Anticaton, et un poème intitulé Le Voyage. Il composa le premier de ses écrits en passant les Alpes pour les rejoindre son armée, après avoir présidé les assemblées de la Gaule citérieure. Le second, vers le temps de la bataille de Munda, le dernier dans les 24 jours qu'il mit à se rendre de Rome dans l'Espagne ultérieure. On a aussi ses lettres au Sénat, et il paraît être le premier qui ait écrit ses rapports en divisant les pages à la façon d'un mémoire, tandis qu'auparavant les consuls et les généraux écrivaient les leurs dans toute l'étendue des feuilles. On possède enfin de César des lettres à Cicéron et sa correspondance avec ses amis sur ses affaires domestiques. Il y employait, pour les choses tout à fait secrètes, une espèce de chiffre qui en rendait le sens inintelligible, les lettres étant disposées de manière à ne pouvoir jamais former un mot, et qui consistait, je le dis pour ceux qui voudront les déchiffrer, à changer le rang des lettres dans l'alphabet en écrivant la quatrième pour la première, c'est-à-dire le D pour le A, et ainsi de suite. On cite même quelques essais de sa prime jeunesse, par exemple un éloge d'Hercule, une tragédie d'Oedipe, un recueil de bons mots. Mais Auguste défendit de publier aucun de ses écrits par une lettre aussi courte que simple adressée à Pompeius Macer, à qui il avait confié le soin de ses bibliothèques.